Jean Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Deux chefs d'État seulement sur les six des pays de l'Afrique de l'Est participent au sommet qui se déroule en Tanzanie. Celui de la Tanzanie et celui de l'Ouganda, le Burundi, étant représenté par le premier vice-président de la République. Et le président du groupe parlementaire Amizero Abarundi s'insurge contre l'arrestation et la détention d'un jeune de la colline Kavumu en zone Mouira de la commune Kanyosha qui aurait refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD au pouvoir. La 29e édition d'athlétisme scolaire est dans sa phase finale et se déroule ce week-end en province Ngozi, d'où nous appellerons notre correspondant. Et la 9e édition du Festival international de l'audiovisuel et du cinéma du Burundi a été lancée hier à l'Institut français de Bujumbura et verra la programmation de 104 films sur le thème « Le cinéma et les droits de la femme ». Et comme tous les samedis, vous aurez droit à la revue de presse à la fin de ce journal. Captez Isanganilo, écoutez la différence. C'est ce samedi qu'a débuté en Tanzanie le sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est. À l'ordre du jour de cette première journée figure l'élaboration des projets de partenariat commercial entre les pays de l'EAC et de l'Occident, l'élection du président en remplacement du Tanzanien à la présidence de l'EAC et la validation officielle de la candidature du Sud-Soudan comme sixième État de l'EAC. Sur six présidents ont participé à ce sommet, du président seulement, John Pombe Magufuli de la Tanzanie et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Le Burundi étant représenté par le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo. Sachez que ce sommet durera deux jours. Des coups de feu ont été entendus ce vendredi après-midi dans un petit marché de Ruziba en commune Mouha de la mairie de Bujumbura. Le chef du quartier Nyabugete, Ferdinand Nahabandis, fait savoir qu'il s'agit des balles tirées en l'air par un agent de sécurité pour calmer une bagarre qui allait avoir lieu entre les commerçants et son chef. Cet officier, au volant de sa voiture, venait de percuter des marchandises pour la deuxième fois comme il l'avait fait la veille. Ceux qui ont perdu leurs marchandises, dont la valeur reste inconnue, demandent d'être rétablis dans leurs droits. Et le président du groupe parlementaire Amizero Abarundi s'inscrit en faux contre les accusations du porte-parole de la police à l'endroit du député Terence Nduwimana, élu en province de Gitega, à savoir qu'il entretiendrait un groupe de malfaiteurs dans cette province. Suivez le député Célestin Ndikumana. Nous sommes vraiment au courant de cette situation de ce jeune qui est détenu au cachot de Mouira et selon les informations que nous détenons, il n'est pas seulement détenu là-bas, il a été torturé, il continue à être sous torture. Et ce jeune a été incarcéré, je dirais injustement parce que... Vous voudrez bien nous excuser, il s'agit de Célestin Ndikumana parlant de ce jeune qui est incarcéré à Mouira. Il s'appelle Martien de la colline Kavumu en zone Mouira. C'est dans la province de Bujumbura. Il indique que ce jeune homme, qui vient de passer plus d'une semaine au poste de police de Mouira, est accusé de détenir des armes lui confiées par des hommes de la même colline qui, pour le moment, croupissent dans la prison centrale de Mimba. Le président du groupe parlementaire Amizero Abarundi demande la libération de ce jeune car il est détenu pour avoir refusé d'intégrer le mouvement des jeunes du parti CNDD-FDD. Suivez-le. Ça ne peut pas être vrai, c'est juste des montages dont l'objectif est certainement d'écarter ce député, de l'écarter de la population. Nous sommes vraiment au courant de cette situation de ce jeune qui est détenu au cachot de Mouira et selon les informations que nous détenons, il n'est pas seulement détenu là-bas, il a été torturé, il continue à être sous torture. Et ce jeune a été incarcéré, je dirais injustement parce qu'il a été arrêté sans aucune autre forme de procédure. On l'a arrêté quand il faisait le sport, en groupe avec les autres, tout près du campus Kiriri. Et puis on l'a conduit directement au cachot de Mouira, où il a subi des tortures selon les informations que nous détenons et qui sont vérifiables. Alors nous nous posons la question de savoir pourquoi il est là, pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. Mais les antécédents, je dois vous dire qu'il avait été battu par quelques jeunes Imbonerakure de sa colline. Il avait été battu longtemps avant, il y a quelques mois. On lui disait qu'il fallait absolument qu'il soit membre de la Ligue, de ces jeunes. Et lui, il avait refusé. On l'avait battu à mort. Il a passé quelques semaines à l'hôpital. Il était même entré en coma. Et après, au réveil, après, il s'est remis quand même. Il a intenté une action en justice. On a convoqué ces jeunes. Ils n'ont pas comparu. Et après, on a laissé tomber l'affaire. Le jeune a laissé tomber l'affaire. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qu'il avait battues à mort qui remontent un dossier comme quoi il détient des armes. Et ils ajoutent encore une fois qu'il y a deux autres personnes qui sont incarcérées, qu'il détient des armes et que c'est celui-là qui connaît l'affaire. Alors, il est sous torture justement pour qu'il accepte cela. Pour moi, il est injustement incarcéré et nous demandons sa libération inconditionnelle. Le porte-parole de la police, Pierre Ngourikiye, dit que ce jeune homme a été dénoncé par un groupe de gens avec qui il travaille et qui ont été attrapés en possession d'une arme. Il nie catégoriquement que ce jeune a été torturé. Et le président du groupe parlementaire, Amizero Yabarundi, s'inscrit en faux contre les accusations du porte-parole de la police à l'endroit du député Terence Ndouimana, élu en province de Gitega, à savoir qu'il entretiendrait un groupe de malfaiteurs dans cette province. Suivez le député Célestin Nikoumana. Ça ne peut pas être vrai, c'est juste des montages dont l'objectif est certainement d'écarter ce député, de l'écarter de la population. Il n'y a pas longtemps qu'on avait monté quelque chose comme quoi il aurait soutenu un groupe de bandits qui avait mené une attaque sur la colline Higiro à Gitega. C'était longtemps avant. Alors aujourd'hui, si on dit, voilà, il est l'encadreur d'un groupe de bandits ou d'un groupe de criminels, ça ne nous étonne pas. Parce que même avant, je dois vous préciser que le 26 avril 2017, il avait reçu un message de quelqu'un qui lui faisait un clin d'œil comme quoi il fallait qu'il fasse attention parce qu'on concoctait quelque chose comme quoi il aurait soutenu cette attaque dont je viens de vous parler, de cette colline Higiro. Mais ce qui n'était pas vrai. Alors aujourd'hui, si on revient sur la même histoire, si on dit voilà, il encadre un groupe de criminels, aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Ce sont des montages purs et simples. Sinon, pour le fait qu'il aurait parlé en faveur ou pour demander des éclaircissements sur l'arrestation de deux jeunes qui venaient d'être blanchis par la justice, c'est son travail. Si un député voit quelque chose qui ne va pas, il est là, il est porte-parole de la population tout entière. Il est porte-parole de tout citoyen burundais. Et s'il a parlé pour demander que la justice soit faite, que ces gens soient libérés, c'était son devoir même. Pour moi, il n'y a rien de crime, sauf que je demande quelque chose à la police, de ne pas se mêler aux affaires politiques. Isanganiro. Les États et les investisseurs privés des pays réunis autour du corridor nord vont mettre ensemble les moyens en vue de développer et gérer les infrastructures. Cela a été dit par le secrétaire permanent au ministère des Transports et de l'Équipement ce vendredi lors de la clôture d'une réunion des experts des pays regroupés autour du corridor nord qui s'est tenue en Bujumbura du 15 au 19 de ce mois. Deogracias Mbabaremore fait savoir que le Burundi est le troisième pays qui a présenté des projets à réaliser. Il affirme que cela va attirer les investisseurs privés. Je vous propose de l'écouter. Pour notre pays, au niveau du gain, avant pour ce programme de RSS, c'est-à-dire les stations d'arrêt et de repos, nous sommes le troisième pays. Maintenant, nous devenons le troisième pays après le Kenya et l'Ouganda. Et c'est un programme qui exige le partenariat public et privé. Ça devient une occasion pour notre pays de profiter des mobilisations des fonds qui peuvent être réalisées par le corridor nord. Via le corridor nord, on a cette opportunité de mobiliser les fonds au niveau de réalisation de ces programmes-là. C'est pour vous dire que finalement, après la visite, ils ont vu que, notamment pour ces stations d'arrêt et de repos, qu'il y a moyen d'investir dans ce programme au niveau de notre pays. C'est une occasion qu'il ne fallait pas rater. C'est pourquoi nous avons préféré organiser ces assises au Burundi. Deuxième chose, au niveau de ces programmes, en plus de la mobilisation des financements, il y a aussi l'état des lieux que chaque pays présente. Nous avons eu l'occasion de montrer le pas déjà franchi pour notre pays. C'est sur base de ce qui a été exposé ici, c'est l'état des lieux. Le secteur privé est impliqué. C'est pourquoi il y a eu la promotion des investissements du secteur privé dans le corridor nord. C'est pourquoi je vous dis, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les PPP, le partenariat public-privé. Ces infrastructures exigent beaucoup de fonds. C'est pourquoi, au niveau de la sous-région, au niveau de chaque pays, on invite les opérateurs du secteur privé à investir. C'est pourquoi on a voulu créer dans la sous-région ce qu'on appelle les PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Parce que les États sœurs ne sont plus à mesure de réaliser ces infrastructures. C'était Deogracias Mbabare More. Les entrées en carburant vont augmenter la semaine prochaine. Plusieurs camions de produits pétroliers sont attendus pour pallier à la carence en carburant. L'affirmation est du ministre burundais de l'énergie et des mines. C'était ce vendredi lors d'une conférence de presse. Le ministre Komman Irakiza a souligné que la question des devises, souvent avancée comme cause de cette pénurie, est maîtrisée. Le Burundi, comme les autres pays, fait en sorte qu'ils puissent chercher cette monnaie étrangère pour les différentes transactions étrangères. Donc, personne ne pourrait dire qu'on ne les cultive pas. On cherche, et quand on cherche, tantôt on a en suffisance ou on peut ne pas en avoir en suffisance, mais on en a et on gère la situation. C'est-à-dire que ces derniers jours, nous avons essayé de travailler. Ce n'est pas dire qu'il y a eu une carence. Certes, les devises auraient été insuffisantes par rapport peut-être à ce que l'on voudrait avoir pour les différentes transactions internationales. Mais je vous dirais que la situation s'améliore chaque jour, de telle sorte que la question en rapport avec les devises aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire qu'on a aujourd'hui, on connaît encore ce problème. D'autant plus que je viens de vous confirmer très bien que les approvisionnements, cette fois-ci, sont en train d'être faits et avec des quantités qui augmentent justement. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a eu, je dirais, une faiblesse au niveau technique, au niveau des approvisionnements, mais qui reprend très bien aujourd'hui pour que la situation redevienne à la normale. Je le dis et je le répète, les entrées au niveau des approvisionnements sont enregistrées tous les jours. La preuve, vous pouvez vous informer auprès de l'OBR, parce que c'est à partir de Kobero que les camions transitent vers le pays. On enregistre chaque jour. Passé lundi, la semaine prochaine, vous allez voir que ce que je vous dis est une réalité. Le ministre Komanira Kiza a en outre indiqué que du 7 au 9 du mois prochain, Bujumbura abritera le 8e sommet des pays de la communauté est-africaine sur le pétrole ainsi qu'une foire. Il nous parle d'abord des zones pétrolifères au niveau du Burundi et la valeur ajoutée de ce sommet pour le pays. Au niveau du Burundi, la zone potentielle pétrolifère est subdivisée en quatre blocs. Il y a le bloc A qui est constitué par le bassin de la rivière Rusizi, les blocs B, C et D, respectivement du nord au sud, sur la zone offshore dans le lac Tanganyika. Les travaux de recherche sont toujours en cours. Mesdames, Messieurs, comme l'organisation de cette conférence est-africaine sur le pétrole et exhibition exige des efforts de tout un chacun, une telle conférence est d'une importance capitale car elle offre au gouvernement et aux compagnies pétrolières une occasion pour échanger sur les stratégies de développement de l'industrie pétrolière dans cette partie de l'Afrique orientale, en vue d'adopter des politiques, des stratégies et mécanismes communs favorisant l'exploitation, le développement et l'utilisation efficace des diverses ressources énergétiques disponibles dans la région. C'est également une opportunité pour les compagnies pétrolières de promouvoir leurs produits et leurs nouvelles technologies dans le secteur pétrolier et gazier afin de contribuer à l'efficience énergétique et à la croissance socio-économique dans la région d'une part, et une opportunité de faire connaître la diversité culturelle et touristique dans les États membres de la communauté durant les excursions organisées dans le cadre de la conférence. La radio de l'avenir. Le climat est tendu entre éleveurs et cultivateurs de Rumonge. Ces derniers font paître leurs bêtes. Les éleveurs font paître leurs bêtes jusque dans les champs de culture. L'administration communale a déjà averti les éleveurs que celui dont les bêtes seront attrapées sera puni conformément à la loi. Jean-Pierre Misago. Niruteba Louis, alias Bifata, est l'un de ces cultivateurs des vallées de la Murembwe et de la Dama. Selon ses dires, les éleveurs, transhumants ou non, font paître leurs troupeaux dans les champs de patates douces et de manioc qu'on venait à peine d'aménager après les inondations qui ont tout emporté. Et ils le font sciemment. Il indique que l'administration communale et provinciale ont été déjà saisies sur la question et l'administrateur communal vient de sortir un communiqué. Selon ce communiqué, Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, avertit aux éleveurs que les bêtes qui seront attrapées en train de paître dans des parcelles d'autrui seront désormais conduites au chef-lieu de la colline ou de la zone et ne seront libérées qu'après épuisement des procédures administratives et judiciaires. Boniface Nshimirimana, chef de secteur Mutambara, qui abrite des cultivateurs et des troupeaux de vaches, dit qu'il vulgarisera cette décision de l'administrateur communal des ce lundi avant de passer à l'action. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Je vous l'avais dit, la 29e édition d'athlétisme scolaire est dans sa phase finale et se déroule ce week-end en Provence Ngozi. Presque tous les plus de 1200 athlètes qui étaient attendus sont présents malgré le problème criant de carburant. Les écoles d'Ngozi qui hébergent ces athlètes éprouvent aussi de sérieux problèmes d'eau. Les détails dans cette correspondance d'Apollinaire Mozagara. Les 1292 athlètes représentant différents établissements scolaires secondaires de Ngozi pour cette 29e édition qui se déroule au stade de Mulemela d'Ngozi sont presque tous arrivés hier vendredi, sauf ceux de la province Bujumbura rurale. Le véhicule transportant ces athlètes est tombé en panne en cours de route et ont été logés au lycée de la province Morange. Ils sont arrivés donc en retard en Ngozi, sauf avec le problème de pénurie de carburant. Ces athlètes ont répondu que les directeurs d'établissement secondaire avoir pris des mesures à temps de commun accord avec l'administration pour y faire face. Certains établissements secondaires d'Ngozi qui ont accueilli ces athlètes ont aussi le problème de pénurie d'eau. C'est le cas du lycée Don Bosco, abritant les athlètes masculins. Cet établissement n'a pas d'eau depuis 4 jours. Le véhicule qui puisait de l'eau manque de carburant. Ils vont recourir au camion sapeur-pompier de la police pour s'alimenter en eau toute la journée de ce vendredi. Les meilleurs athlètes qui atteindront les minima représenteront le Burundi à Gourou en Ouganda du 19 au 10 août prochain dans les Jeux du FEASA des meilleurs athlètes des pays de la sous-région. Pour rappeler, les provinces Bururi, Makamba, Gitega et Morandia ont occupé les premières places l'an passé. Les dernières places sont revenues aux provinces du nord du pays, à savoir Ngozi, Kayanza, Kirundo et Muyinga. Ngozi, Apollinaire Mozagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Vous aurez compris que la ligne téléphonique Bujumbura Ngozi n'était pas bonne. Le lancement officiel de la 9e édition du Festival international de l'audiovisuel et du cinéma du Burundi a eu lieu hier à Bujumbura et verra la programmation de 104 films, dont 75 en compétition, 23 en panorama, et dont 10 réalisés par des enfants journalistes en herbe, encadrés par l'UNICEF. Willy Habimana est comédien, il est acteur dans des films, il exprime ici sa satisfaction après 9 années du Festicab. Et croit surtout en son avenir. Moi, ce que je peux dire, je peux d'abord féliciter les organisateurs de ce festival parce que, comme vous le savez, nous sommes aux 9e édition. Moi, j'ai suivi le FESCAP depuis sa création et jusqu'à maintenant, je continue quand même à suivre ce qui se passe dans ce festival. Je peux dire que j'ai un sentiment de satisfaction, voir là où nous sommes actuellement. Quel serait l'avenir de FESTICAV dans les années à venir? Et dans les années à venir, je vois FESTICAV comme un grand festival, comme FESPACO, parce qu'avoir les 9 ans d'existence du FESTICAV, on voit que le FESTICAV va pousser très loin. C'était Willy Habimana, comédien, acteur dans des films, au micro de Christian Savier. Sachez que la 9e édition du FESTICAB se tient du 19 au 26 mai 2017 et porte comme thème le cinéma et les droits de la femme. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, Mireille Kanyangé m'en rejoint pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. De grâce, laissez-nous dormir. Ainsi débute l'éditorial du journal Iwachu. Pour certaines infractions graves, le mandat de perquisition n'est pas requis et la perquisition de nuit autorisée. Le projet de loi portant révision du code de procédure pénale et celui portant révision du code pénal ont été étudiés au dernier conseil des ministres. Le projet suscite inquiétudes et interrogations, écrit l'éditorialiste. C'est une mesure que l'on retrouve dans les pays en état d'urgence. Or, la paix est une réalité pour reprendre la version officielle. D'autres voix se posent la question sur la nécessité de cette révision. Le code de procédure actuel ne date que d'avril 2013. Selon la ministre de la Justice, il y a une évolution de la criminalité au Burundi, de telle sorte qu'il y a nécessité d'introduire de nouvelles règles dérogatoires au droit commun de la procédure pénale. Au journal Iwachu de poursuivre, alors que des cas de disparition sont signalés, une mesure qui autorise des perquisitions et ou arrestations nocturnes ne peut pas rassurer. Des personnes mal intentionnées peuvent en effet profiter de cette disposition pour s'introduire dans les ménages. La nuit, comment savoir si les gens qui vous demandent d'ouvrir sont effectivement de la police? Par ailleurs, la plupart des quartiers ne sont pas éclairés la nuit, ils sont dans le noir. Ouvrir est dangereux, refuser devient une infraction si jamais ce sont effectivement des représentants de la loi. Les élus du peuple devraient s'interroger sur le bien fondé de cette mesure qui fait vraiment peur à la population, poursuit Iwachu dans son éditorial. Les gens ont marché à pied pour rentrer, ils sont fatigués. Dormir est le dernier petit bonheur pour beaucoup de nos concitoyens actuellement. Certes, grâce à votre immunité, mesdames et messieurs les honorables, vous n'êtes pas concernés, mais ne gâchez pas ce petit plaisir de la population. De grâce, laissez-nous dormir, au moins, conclut l'éditorialiste d'Iwachu. Revue de la presse. Ils n'ont pas repris le chemin de l'école depuis le début du troisième trimestre, titre le journal La Voix de l'enseignant. Les programmes du premier trimestre ont été en retard de 3 semaines et ceux du deuxième trimestre l'ont été après 1 mois et demi. Les élèves de Nyamagana ont étudié de mal en pis depuis le premier trimestre car ils devraient attendre cette semaine appelée vacataire. Seuls les cours d'entrepreneuriat et de formation civique et humaine étaient dispensés par le directeur de l'école jusqu'à ce que toutes les activités soient suspendues. Ces élèves du lycée communal Nyamagana, direction communale de Bougain, de la province scolaire de Gitega n'ont pas repris le chemin de l'école depuis le début du troisième trimestre de l'année en cours. L'alerte a été donnée par un des élèves de la première année post-fondamentale au même lycée, soucieux de son avenir. La section langue a été créée en début de l'année scolaire pour désengorger les écoles d'alentour et réduire les distances à parcourir des élèves. Depuis le début de ce troisième trimestre, nous n'allons pas à l'école, il n'y a pas d'enseignants à affirme cet élève. J'ai refusé de donner des points gratuits et j'ai été viré, écrit le site des blogueurs Yaga. Il existe à Bujumbura, comme un peu partout dans le pays, des écoles privées, souvent qualifiées d'établissements de dernière chance. Malheureusement, selon ce blogueur, certains de ces établissements poursuivent des objectifs mercantiles au lieu de se préoccuper de l'éducation de leurs élèves. Ils nous livrent le témoignage d'un professeur congédié pour avoir refusé de donner gratuitement des points. Ce jour-là, je le vis de loin, marchant péniblement sous le soleil accablant, son cartable paraissant peser des tonnes. Adolphe ne portait pas le poids du monde, mais plutôt subissait celui de ses principes. Après la deuxième licence, ce jeune homme, lauréat de l'Université du Burundi, a eu la chance d'être engagé dans une école privée de Bujumbura. Il a passé une année dispensant le cours d'anglais. Dès mon arrivée, avoue-t-il, le faible rendement des élèves dans mon cours a commencé à inquiéter la direction de l'école. Il se retrouvait à la fin de chaque trimestre sous interrogatoire, défendant toujours une cause jamais comprise. Pour la direction de l'école, Adolphe était le danger car les enfants risquaient de changer d'établissement au profit d'un autre avec moins de rigueur. Il fallait donc qu'il se débarrasse de ce jeune aux visées autres que lucratives. Jacques Wigirimana demande au gouvernement de suspendre le monopole dans l'importation du carburant, écrit l'agence en ligne NetPress. Le président du Front pour la Libération Nationale, FNL, Jacques Wigirimana, demande au gouvernement burundais de suspendre le monopole dans l'importation du carburant. Pour lui, la rareté de l'or noir est due à une situation conflictuelle entre le fournisseur extérieur et l'importateur principal, Interpétrole. Il demande par conséquent au gouvernement du Burundi de permettre à d'autres importateurs d'importer du carburant car il estime que depuis plusieurs mois, les sociétés Interpétrole et Delta se sont vues confier le monopole pour alimenter le pétrole sur le Burundi et de conclure que ce fut le début d'une pénurie qui a pris une grande ampleur. Les leaders religieux invités à sensibiliser la population sur la prévention et le traitement du paludisme écrit l'agence l'agence burundaise de presse. ABP parle d'un atelier organisé ce 18 mars à Bujumbura. Les leaders religieux s'engagent pour une riposte pérenne et efficace contre le paludisme. Le directeur adjoint du programme national de lutte intégrée contre la malaria a fait savoir que plus de 88 000 ménages ont été protégés par la pulvérisation intradomiciliaire dans 4 communes d'Ngozi et 5 de la province Muyinga. ABP de poursuivre. De son côté, Dismas Baza, point focal de l'OMS, a fait savoir que les défis ne manquent pas dans la lutte contre cette maladie. Il s'agit entre autres de la non-utilisation de la moustiquaire imprégnée par la population. Seuls 47% des ménages possèdent une moustiquaire et seulement 17% ont une moustiquaire pour deux personnes en 2016-2017. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Jean Bosco Nduwimana et Mireille Kanyange. Nous vous souhaitons de bons moments en compagnie de la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.